Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Lorsque survient un décès, il est important d'être accompagné par une équipe de professionnels qui sauront bien vous épauler pendant cette période de tristesse. L'équipe de Hébert et Fils est une entreprise 100% locale qui crée des emplois dans notre milieu. Nous faisons partie de la Corporation des Thanatologues du Québec. Hébert et Fils, 2355 boulevard Walbrook, 418-276-1411. Toute l'équipe de Hébert et Fils rappelle que l'achat local est vital dans notre économie. Hier soir, j'ai été interviewé à la radio de la Mauricie, au 106.9 Mauricie, à la station qui diffuse les matchs des Cataractes de Shawinigan. Claude Boucher, qui est le descripteur des matchs, voulait savoir comment on était fiers de Samuel Girard ici au Lac-Saint-Jean. Donc, on écoute cette entrevue. Les partisans des Cataractes de Shawinigan ont de quoi être fiers. Un des leurs est dans la Ligue nationale depuis le début de la saison. On parle bien sûr de Samuel Girard qui s'inscrit dans la lignée des Anthony Beauvillier la saison dernière et des autres joueurs qui ont marqué l'histoire des Cataractes. Si à Shawinigan, avec raison, on est fiers, c'est rien à côté de la fierté que ressentent les gens du Lac-Saint-Jean, en particulier dans le secteur de Robertval. Mon prochain invité s'appelle Danny Veilleux. Danny Veilleux gère une radio web dans la région du Lac-Saint-Jean, à Dolbo-Mistassini plus précisément. DanRadioSport.com. Salut, Danny. Salut, Claude. Danny, je ne me suis pas trompé dans l'adresse, hein? C'est bien ça, DanRadioSport.com. C'est bien ça. Excellent. Exactement, DanRadioSport.com. Avant de parler de Samuel Girard, explique-nous un peu, c'est quoi le concept de ta radio web, là? Ben, la radio web, en fait, c'est une radio Internet de sport qui diffuse des podcasts, qui diffuse des entrevues, qui s'adresse d'abord aux sportifs du coin, de Dolbo-Mistassini, Robertval, Saint-Félicien, mais qui a également des invités quand même précieux, des collaborateurs précieux, qu'on a qu'à penser à Jacques Doucet, à Stéphane Lebeau dans votre coin, que vous avez bien connu, également Marc Fortier des Remparts. On touche à peu près tous les sports, donc c'est une radio qui existe depuis 2008. Puis je te dirais, Claude, depuis la dernière année, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Au niveau de notoriété, là, je te dirais que ça l'a monté énormément. Entre autres, avec les médias sociaux, moi, je t'ai connu par le biais de Facebook. C'est comme ça que je te suis. Bon, écoute, Danny, ce soir, si on te parle au hockey des Cataractes, c'est bien sûr pour parler de Samuel Girard, parce que là-bas, dans votre coin de pays, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est évidemment une très, très grande fierté régionale, là. Ben effectivement, écoute, c'est le premier joueur depuis Michel Goulet qui joue dans la Ligue nationale du coin là. Bien sûr, il y a eu Philippe Paradis qui a joué avec les Cataractes de Shawinigan, mais Philippe n'a pas atteint la Ligue nationale malheureusement. Et c'est une grande fierté parce que beaucoup de monde, puis même au Lac-Saint-Jean, il y avait des sceptiques en rapport avec son petit gabarit. Mais Samuel a fait taire les dénigreurs comme il a fait depuis le début de sa carrière. Et aussi, ce qu'on aime aussi, c'est un gars qui est terre à terre. C'est un gars gentil. Moi, j'ai fait plusieurs entrevues avec Samuel, là. C'est un gars qui se prend pas pour un autre. Puis ça, les gens aiment ça. Puis il s'implique également dans la collectivité. Il s'est pas gêné à s'impliquer comme président d'honneur à Robertval de ce printemps. Il y a également eu un tournoi de hockey ball de rue qui est lié à Saint-Bruno au mois de septembre qui portait son nom. Donc Samuel, on le voit partout, puis c'est un gars gentil. Puis c'est encore davantage la fierté pour les gens du Lac-Saint-Jean. Puis écoute, c'est tellement une belle histoire parce que tu l'as dit, c'est un gars terre à terre qui est parti d'à peu près rien. Son père travaille pour Produits Forestiers Résolus. C'est pas une famille qui est hyper riche. Et surtout l'histoire impliquant son frère également, parce qu'il faut rappeler qu'au rendu au niveau midget 3A, son frère a mis sa carrière pas en veilleuse, mais s'est tassé carrément pour que la famille consacre ses moyens financiers à la carrière de Samuel Girard. Ça aussi, c'est un fait qui est absolument incroyable. Un geste vraiment de partage. Puis, tu sais, souvent, écoute, c'est l'histoire d'une famille on estime environ à 5 à 6 000 piastres par jeune pour des parents de pratiquer le hockey, là. Quand t'as 2-3 jeunes, c'est pas donné à tout le monde. Puis Tony Girard et sa famille, ben, c'est quelque part, c'est des gens très ordinaires. Ils ont eu de l'aide, oui. Mais il a fallu qu'il y ait eu des sacrifices qui se fassent au cours des dernières années pour que Samuel atteigne la Ligue nationale. Et c'est chapeau vraiment à la famille Girard. Chez vous, est-ce que les gens pensent que Girard va rester dans la Ligue nationale? Moi, honnêtement, on ne sait pas. On y va au jour le jour. Comme Samuel, hier, je parlais justement avec Tony, Claude, puis il mentionnait qu'on y va au jour le jour dans le cas de Samuel. Déjà qu'il est atteint la Ligue nationale, déjà qui fait très, très bien, c'est déjà vraiment quelque chose. Tu sais, dans le coin, là, vous avez un petit peu le même parallèle dans la Mauricie. Quand l'économie va pas bien, souvent, on n'a pas grand moment pour se réjouir. Puis Samuel Girard, ben, au cours des dernières semaines, sa prestation, ça a fait en sorte que ça a mis un baume. Est-ce qu'il va rester? Ben, les gens, du côté des gens, ben, on ne sait pas vraiment. Il va comme la famille Girard au jour le jour. De toute façon, s'il reste pas dans les prochains jours ou les prochaines semaines, moi, je pense qu'éventuellement, il va graduer à temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est un secret de polichinelle. Disons qu'on ne gagnera pas beaucoup d'argent si on gage là-dessus dans les jours, les semaines à venir. Surtout qu'il est bien tombé, Claude. Dans l'organisation des Prédateurs. Des Prédateurs de Nashville, avec des défenseurs. C'est une équipe avec Roman Yossi, avec... également chez Weber qui vit des Prédateurs de Nashville. C'est une équipe qui a réussi à bien former leurs défenseurs. On va prendre le temps de Samuel Girard. Il n'y aura pas la pression. Moi, beaucoup de rumeurs mentionnaient que le Canadien l'aurait repêché. Tu vois-tu Samuel Girard à la place de Victor Mathé cette année, comment il aurait eu de la pression? Ah, c'est sûr et certain. Ça n'aurait pas été nécessairement d'y rendre service. Pour le bien de la famille Girard et pour Samuel, je pense qu'il évolue dans une très, très bonne organisation, puis chapeau pour la famille. Ouais, tantôt, tu parlais de Tony, parce qu'évidemment, il faut mentionner que c'est Tony Girard, le père de Samuel, à qui tu as parlé hier. Danny, il y a un point dont je voulais parler avec toi, parce que la particularité du marché du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que, bon, vous avez les Saguenay-Chicoutimi au niveau junior-major, mais c'est une très grande région. Toi, tu étais à Dolbeau-Mistassini, c'est dans la partie nord du Lac-Saint-Jean. C'est quand même assez loin de Chicoutimi. Tu me disais avant l'entrevue, quoi, pour aller voir un match des Saguenay à partir de ton secteur, ça prend quoi, 2 heures de route à peu près pour y aller? À peu près 1h45, 2 heures, ça dépend de la vitesse qu'on roule, mais je te dirais que depuis que la nouvelle administration avec Marc Denis, Richard Letourneau, entre autres, qui sont à la tête des Saguenay-Chicoutimi, ils ont fait beaucoup pour le nord du lac Saint-Jean. Parce que moi, une des premières affaires que j'ai demandé à Richard Letourneau quand il est arrivé en poste avec les Sags, est-ce que vous allez faire quelque chose? Parce qu'on dit tout le temps l'équipe d'une région, mais vous faites rien. Et depuis 2 ans, ils sont venus jouer des matchs sur concours à Roberval, évidemment l'an dernier à cause de Samuel, puisqu'il vient de Roberval. Ça a été la folie furieuse. Les billets se sont envoyés en deux, trois heures à peu près pour 1000 personnes. Donc c'était vraiment incroyable comme succès. Et cette année, on a répété l'exploit, mais à Dolbeau-Mistassini. Et c'était pas Samuel Girard, c'était les Remparts de Québec qui étaient les visiteurs. Et moi, je me dis en affaire, Claude, j'avais énormément de doutes qu'on était capable de remplir le complexe sportif du secteur de Dolbeau, mais ça n'a pas été le cas. Vraiment, là, on a vendu tout près de 800 billets en 3 heures. Et ça a été, encore une fois, la folie furieuse contre les Remparts de Québec. Ce qui me fait dire que les Saguenayens, ça va devenir une classique, parce que pour eux, évidemment, c'est quand même quelque chose de bien à venir, parce que là, ils viennent se chercher de nouveaux amateurs, ils viennent monter leurs produits, puis quand on vient jouer un match sur concours dans le nord du lac, il n'y aurait pas eu plus de monde au centre Georges Vézina. Donc, ils viennent chercher de nouveaux partisans, donc c'est pour ça que c'est intéressant pour eux. Oui, je te dirais que les Cataractes ont fait pas mal la même chose cette année en allant disputer un match hors concours contre Victoriaville à l'aréna de Bécancour, où là aussi, on avait fait sale compte, parce que justement, les gens du secteur n'ont pas nécessairement la possibilité de toujours souvent voir des matchs de niveau junior majeur. Danny, il y a un paquet de sujets dont je voulais parler avec toi. Sais-tu quoi? On va remettre ça lors d'un prochain rendez-vous, parce que là, le temps passe et il faut retourner au match des Cataractes. Alors, Danny, on va se reparler plus tard au cours de la saison. J'invite les gens à aller visiter ton site danradiosport.com, radio web là, qui parle exclusivement de sport, en particulier du sport du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr, mais en particulier aussi des Saguenay-Chicoutimi. Danny Veilleux, merci de nous avoir parlé ce soir. Merci beaucoup, Claude. Danny Veilleux, donc, qui dirige danradiosport.com, radio web, consacré au sport au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous écoutez le hockey des Cataractes au 106.9 Mauricie.